deuxième album. C'est double peine, c'est au high les music à la prod. On a tous changé, les visages marqués. De manière différente, la vie nous a braqués. Poursuis nos efforts, le rap notre confort. Toi-même tu sais ce qui nous tue pas, nous rend plus forts. Alors écoute nos textes, tout jeep les lyricistes. On met notre âme dans les vérités que l'on récite. Et ouais on persiste, on vient avec du lourd. On n'est pas né pour se taire, l'ombre est toujours. On gratte tous les jours, hiver comme été. On n'est pas back dans les bacs car on n'y a jamais été. Difficile à arrêter, comme un violin flip. 2009 pour 2010, on arrivait, il flip. On parle vrai, on fera pas de fausses promesses. Tout Jeep, FLX, N2S.